silence, la capalence, mais ça pas suffisant pour cacher sentiment. Silence, qui a fait plus qui désordre, même si c'est à baisser, et pas couillant les moins. Songez bien, ça nous t'est dit. Si nous assez tomber assis nous en lumière que nous t'assurer toujours là où l'amour et tes yeux qui disent toujours je t'aime, je t'aime en silence. Et tes yeux qui disent toujours je t'aime, je t'aime en silence. Silence, ou m'est-ce pas qu'à faire sans parler. Silence, on tire dans nos bouches pour causer. Silence, laissez un petit place pour musique. Silence, pas moins un petit chance pour chanter. Assis on fait musique, la vie qu'a chaloupé. En noir et en blanche, qu'a attendre un soupir. Moi aussi besoin un petit passe pour souffrir.